Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h. Et comme je l'avais annoncé non seulement hier soir mais aussi cet après-midi sur Facebook, on va parler d'un festival. Et oui, c'est pas parce que l'été va tout doucement toucher à sa fin que la saison des festivals s'achève, bien au contraire. Et on va parler d'un festival qui a lieu le 29 et 30 septembre 2018 à Raon au Bois. Il s'agit du Festi La Vida et j'ai pour l'instant en studio avec moi. Peut-être que les autres arriveront au compte-gouttes. Donc j'ai avec moi Pascaline, Camille, Letty et Mika. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et forcément, bon, si j'ai dit Mika, c'est parce que Mika, les auditeurs sont habitués. Qui dit émission qui parle de musique dit Mika. Donc contente d'avoir mon consultant musical. Oui, moi, le consultant en musique. Et jusque-là, on est une équipe principalement féminine pour l'émission de ce soir. En attendant, s'il y en a peut-être d'autres qui arriveront, ça fait partie des aléas du direct. Mais on va peut-être commencer par présenter les différentes personnes que j'ai avec moi. Il s'agit de Letty et de... Pascaline, excuse-moi, il faut que je retrouve mes notes. Donc Pascaline, la parole est à toi. Eh bien écoutez, donc moi c'est Pascaline, ça fait maintenant quelques années que je participe au festival. Moi je m'occupe plutôt de la logistique et puis de la partie manger. Et voilà, ça, c'est ma principale mission dans l'année. Et du coup j'en profite, je pense que je peux le dire tout de suite, en fait cette année... Donc on a l'habitude de proposer barbecue, crêpes et puis des tartines, des soupes, des choses comme ça. Voilà, des choses faciles à manger, rapides et surtout pas trop chères. Et du coup cette année, nouveauté, on va se garder la partie crêpes et la partie barbecue parce qu'il faut quand même qu'on gagne un petit peu d'argent. Et du coup le pôle soupe, tartine et du coup on aura une assiette vosgienne de proposer cette année sera faite par la popote de Pounette. Donc c'est une jeune femme qui se met à son compte. Du coup, elle a besoin d'un petit... Enfin, voilà, ça, j'espère que ça va lui donner un petit peu d'élan pour sa nouvelle entreprise. Mmh. Et puis, en fait, on est arrivé au constat où il fallait quand même qu'on ouvre un peu les portes, peut-être, à d'autres. Donc, on était parti à la base sur une association qui proposerait, qui pourrait gagner de l'argent. Et c'est vrai que les associations, elles manquent un peu de bras aussi à certaines périodes. Et la rencontre a été, alors je sais pas Letty, c'est peut-être bien toi ou c'est Pierrot, oui, c'est ça. Par les réseaux sociaux aussi, du coup, qu'on a, on va dire, échangé. Hein, Julie Hans, hein, on peut la oui, nommer en ça, fait. Oui, c'est ça, oui. Et donc, après, comment ça s'est passé? Là, je ne sais plus, j'arrive pas à refaire le fil. Grave, finalement, bon, il y a tellement d'interactions. Oui, oui, elle aussi, elle est dans des associations, donc elle connaît bien le monde associatif. Donc, j'espère que ça va lui donner un bon petit coup de main. Et puis... On peut dire aussi qu'elle va s'installer, d'ailleurs pas très loin, très loin de chez moi, dans une ancienne boucherie qui est au-dessus de, près de Chantraine, en fait. C'est encore sur Épinal, donc elle a repris cette boucherie, de ce que je sais, et elle est en train de s'installer. Donc bon, c'est on lui souhaite bon courage, donc en tout cas. Donc elle fait déjà du traiteur, donc la popote de Pounette, voilà, ce sera la nouveauté pour le festival de cette année. Voilà. Donc voilà, comme vous l'avez compris, comme les auditeurs l'ont compris, Pascaline s'occupe de la logistique et de la nourriture. On reviendra sur d'autres détails, mais tu as déjà, j'imagine, donné l'eau à la bouche aux auditeurs pour le festival. Et s'il y a quelqu'un d'autre de l'association pour le festival, c'est Letty. Alors Letty, toi déjà, tu es une artiste, si j'ai bien compris. Tu vas passer, vu qu'il y a des concerts, on en parlera dans quelques instants. Et mis à part ta place d'artiste, tu as une autre place au sein de l'organisation de ce festival ? Oui, bah en fait, elle s'est faite au fur et à mesure des années, au contact de toute cette bonne bande de gens. donc, on va dire réellement, depuis 7 ans, je donne un coup de main, on va dire, voilà, j'assiste aux réunions. J'ai un peu aussi découvert le milieu associatif et l'entraide, la solidarité, et puis aussi... tous les partenariats et la connaissance un peu du réseau local. Et puis, petit à petit, moi, je me suis un peu plus sentie à l'aise sur la partie déco, la partie créative, on va dire. Donc, je donne ma petite pierre à l'édifice, généralement sur ce domaine-là. Donc en amont, même si cette année un petit peu moins, parce que j'avais d'autres choses aussi en parallèle. Mais le jour du festival, avant, on a toujours des idées de dernière minute. Et puis, de la com aussi, donc sur les réseaux sociaux, donc le développement un petit peu de, voilà, le partage, etc. C'est un peu mon côté geek. Ah, ils sont pas tous comme ça, mais moi j'assume ce rôle. C'est ça, voilà. Donc ça y est. Ça c'est votre place à vous au sein du festival. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde qui travaille autour. Mais s'il y a bien quelque chose qui vous réunit, c'est le festival et l'association Tattoo La Vida. Est-ce qu'on peut peut-être rafraîchir la mémoire des auditeurs et rappeler brièvement qui est l'association ? Je ne sais pas qui de vous deux se lance. Qui est la plus ancienne, c'est toi, Pascaline. Tu veux, mais moi, je vais te raconter ici même. Alors, si t'as envie de... c'est la 11e édition. C'est la 11e édition. Du Festival La Vida. Donc moi j'en ai connu pour le moment 7, je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 7 ou 8, hein, parce que 7 ans vraiment d'investissement, puis j'en avais fait un comme ça au début. Et à la base, c'est Pierre Courtier et Jérémy Bélanger, qui habitent maintenant sur le secteur de Saint-Dié, qui suite à la voyage, on va dire, en Amérique du Sud, sont revenus avec plein d'idées. Et puis aussi se sont dit, tiens, pourquoi on ne fait pas un petit festival, nous, à nous, hein, dans nos contrées, sur Saint-Dié. Donc à la base, c'était là-bas. C'était où exactement, à Bande-Sap, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, ça a été délocalisé, on va dire. Donc c'était apparemment dans un endroit plutôt verdoyant, beaucoup moins, on va dire, avec une infrastructure beaucoup plus rudimentaire. Et là, on va dire, le festival s'est délocalisé à Rat-en-Bois. Et plus ou moins quand même pris un petit peu d'ampleur, on va dire, même si la volonté de Pierre et puis après de tout le monde... Oui, c'était de rester quand même... Voilà, pas un truc, qui soit trop important, parce qu'après c'est une autre gestion, hein, plus on veut grossir et plus c'est plus la même organisation, ça devient une entreprise, quoi, donc c'est plus pareil. C'est ça, peut-être un peu familial aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que alterner, en fait, l'idée était aussi de faire une année à Saint-Dié et une année à Raon, enfin à Bansa et à Raon. Et puis c'est vrai que logistiquement c'est un peu compliqué. Ça a été discuté pas mal et puis l'idée a été abandonnée, mais pourquoi pas, elle est peut-être encore dans les tiroirs, on ne sait pas, on peut peut-être encore faire des échanges. Après, je pense que c'est une histoire aussi de logistique sur place, c'est pas toujours évident. En termes de moyens, quand on voit l'organisation et la mise en place, les emplacements, Émilie qui n'est pas là ce soir, qui s'occupe des exposants par exemple, hein, c'est tout un micmac, il faut gérer aussi les emplacements de tout le monde. la partie cuisine aussi qui est importante, c'est un gros pôle quand même. Ouais. Et mais bon, on va suggérer l'idée l'année prochaine, on va être content. Donc voilà, ça c'est ce qui vous réunit, c'est le Festi La Vida, donc qui aura lieu du 29 au 30 septembre 2018 à Raon-au-Bois. Il va s'en passer des choses, il y aura aussi entre autres de la musique. Alors on va s'écouter un premier morceau de Infréquençable, le morceau Rock Mitaine, et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Y'a pas mon nom sur ta liste, mais j'ai ma place dans les classiques. Je m'en attends, moi t'en proclame, c'est mon cas, le fantastique. J'ai pas d'actu, comprendre ceux qui vivent, les instants magiques. Mon métier vibrationniste, bouge la tête et kiffe la vie. J'ai chopé du grâce au party, la qualité de mon rat d'inspire. J'suis grave et validé, même si fan de mon âge bâti. Reçave le même tas d'idées depuis deux décennies. Baratiné, c'était pas pour moi, j'achète pas ça dans un tati. Comme t'exécutes un rythme, contre un but, t'es plus qu'un bulldozer. Vaut le tour ou pour atteindre mon but. Même si j'ai dans le racine, MC, reste assis. J'ai les racines massives, elles suivent pas de ta galaxie. Quand je frappe au mic, j'tape là où c'est douillé. J'défais les égos, les petits groupes, t'es la meilleure, tu vas douiller. Aucune fierté, un kiki, c'est mélodie. En deux chantiers, c'est quand je trime. Pour mon plat que je brille. Ball time, j't'aille droit vers là-bas. Pas de maïs, fly avec ma bite et mon rap. Tu donnes mon panorama, presque paranormal, pas dans ma raté. T'es barré, j'suis dans le patin, j'passe le salam. Pas de sentiment, ça te pleut, mon sac s'annulaissant. Ça se remonçant, directement sous incantation. J'suis avec un staff d'art, comme un sage ou un sonar. Avec un dame de panille et sage, je fais mes armes. Si le rap est mort, vois être zombie. À la trappe, le ghetto rappeur favori est un zombie. J'dis ce que je veux et ouais, j'm'en fous. Si tu kiffes pas, on t'écoute pas et puis c'est tout. Hey, j'suis car au cœur qui fait du rap, viens le contraire mon gars. J'suis un homme qui fait le sale avec un corps comme ça. J'ai moins de peur que de doute, moins de doute que de paix. Désillusionniste, je suis le rock qui traîne. J'suis un rocker qui fait du rap avec un corps comme ça. J'suis un homme qui fait le sale, viens le contraire mon gars. J'ai moins de peur que de doute, moins de doute que de paix. Désillusionniste, je suis le rock qui traîne. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et on est là pour parler du Festi La Vida avec Mika, Letty, Camille qui est présente dans les studios, et Pascaline. Et on parlait de l'association, de la place à tout le monde. Et d'ailleurs, oui, je disais qu'on a, une auditrice qui vient assister un petit peu à l'édition. Donc c'est l'émission, pardon, si quelqu'un veut être là, veut réagir, veut juste regarder, vous pouvez déjà venir dans les locaux, ou sinon vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre page Facebook ou nous appeler au 03 29 62 40 40. Ce sera avec plaisir qu'on transmettra vos messages. Et comme on le disait juste avant, comme on est là pour parler du Festi La Vida qui a lieu du 29 au 30 septembre à Raon-au-Bois, soyez prêts, je vais quand même le répéter que personne ne l'oublie. On disait juste avant, Letty disait juste avant, on en est quand même à la 11e édition. Pascaline, dis-moi, avec le temps, ça commence quand même à prendre de l'ampleur sans trop en prendre. Est-ce que ça prend la forme que l'association aimerait? Alors, oui, je pense que ça a pris la forme de ce que pense toute l'équipe. En tout cas, pourquoi on se motive, pourquoi à ce moment-là on se donne du temps, on se donne de l'énergie pour atteindre un objectif. En fait, l'objectif est plutôt rempli. Je pense que on a quand même un public hétéroclite. En fait, on a vraiment un public qui vient de. Alors c'est vrai qu'on aimerait peut-être capter aussi les gens qui sont un peu plus réfractaires à l'échange avec d'autres. Mais autrement, non. Mais je pense qu'on est. En fait, c'est quand même. Ça ressemble quand même à une fête de village. Nous, ce qu'on veut, c'était quand même garder cet esprit aussi. Et d'où la gratuité peut-être du festival aussi, pour que tout le monde puisse à un moment venir sans forcément dépenser de l'argent. Et en ayant des choses à voir, des choses à écouter, des... Et puis, donc je pense que oui, le bilan est quand même très positif, oui, oui. Et tu parlais de fête du village, c'est un petit peu l'esprit que vous voulez instaurer, le but en fait de ce festival, de faire une espèce de fête où tout le monde se rassemble et découvre plein de choses. C'est ça. D'ailleurs, j'ai vu, on en parlera plus tard, il y a quand même une liste presque longue comme mon bras, ou peut-être pas non plus, d'intervenants avec différentes associations. J'ai vu, il y a Vosges Nature Environnement, il y a des associations LGBT. Je dois ouvrir ma boîte mail pour pouvoir avoir le détail. Mais bon, il y en a quand même différentes, on en reparlera dans quelques instants. Mais par contre, s'il y a quelque chose dont il faudrait peut-être qu'on parle, hein, j'ai passé Infréquençable, parce qu'il y aura Infréquençable qui passera pendant le festival. Letty, est-ce que tu saurais me dire quel jour il passe et... peut-être dire aux auditeurs qui connaissent peut-être pas le groupe, qui c'est ? Infréquençable ? Oui. Alors, c'est un groupe principalement Romaru Monta. moi, en tout cas, c'est un groupe qui a fait un peu l'unanimité dans le choix des artistes cette année, de par leur dynamisme, leur point d'originalité. On est un peu dans le rap métal, hein, un petit mélange hip-hop métal. Et puis voilà, un groupe qui a des personnages assez singuliers, avec Mike principalement au Mike. Tu m'entends, c'est mon cas. Et voilà, donc c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de concerts cette année, et je pense qu'en clôture de, donc ils clôtureront, on va dire, la soirée le samedi soir, la soirée musicale, de par un petit peu le, je pense, le but, hein, c'est on a monté un petit peu en pression, on va dire, je pense que voilà, ce sont des showmen qui, je pense, font bien le job. Alors ils vont passer, donc l'horaire de passage, il faudrait plutôt que je reparte sur le début, parce que je ne sais pas à quelle heure ils vont passer, mais bon, ça va être à quoi, 22h30, 23h ? Oui, je pense. Hein, l'heure de passage, ça va être, il y a un tremplin, hein, oui. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Pourquoi un tremplin pas. Hein, donc le tremplin, bah, c'est donc un coucou à eux, parce que c'est des gens que j'ai rencontrés il y a quelques mois. Le groupe s'appelle KPG, hein, K-A-P-2-E-J-E. Salut les copains, j'en profite. Donc c'est Foyou et Gou. Ce sont donc deux personnes d'origine marseillaise, deux frères et sœurs, qui ont un univers bien à eux, une touche un petit peu world, un peu folk aussi. C'est pas forcément évident pour moi de les qualifier, c'est authentique, c'est en français, et c'est frais, et c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. Et c'est deux belles personnes qui, je pense, feront un tremplin plutôt chouette. Voilà. Et quand tu parles de tremplin, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est pour faire une transition En fait, à chaque fois, on met un peu à l'honneur, où on met en avant un groupe qui est peut-être en train de j'ai envie de dire, de se faire connaître, ouais, petit à qui petit. Est mieux connu. Voilà. Ou qui commence à faire de la scène, du coup. C'est ça. Hein. Ça donne un petit coup de pouce. Exactement. Hein. C'est un peu la différence oui, des autres groupes. Oui, en effet. Et tu as parlé de KPG. KPG, ouais. KPG, tu m'as donné envie de l'écouter, donc on va s'écouter un morceau de KPG, okay. Et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Thank you. êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et pour ceux qui ont envie de réagir, d'interagir avec nous, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous envoyer un message sur la page Facebook Radio Gémozo. Bon, je répéterai peut-être pas après chaque pause musicale, vu qu'il y en a beaucoup à écouter. Mais en tout cas, on est toujours avec Pascaline, Camille, Letty et Mika pour le Festi La Vida, les 29 et 30 septembre à Raon-au-Bois. Donc, on a déjà décrit ou parler un petit peu de KPG juste avant de passer la pause musicale. Et Letty, tu avais parlé d'horaire, quelque chose comme ça. Bon, peut-être que Pascaline aussi peut répondre à la question. Le festival a des horaires d'ouverture et de fermeture? Oui, c'est ça. Le samedi, les portes sont ouvertes, enfin virtuellement, à 16h. Et du coup, ça referme vers 2h du matin. Et puis le dimanche, c'est, on met 10 heures, mais généralement, bon, ouais, 10 heures, c'est bien, ouais. ça arrive petit à petit, jusqu'à 18 heures. Voilà. Donc c'est clôturé par un concert, je ne sais plus, le dimanche soir, c'est bord de Marne. C'est ça, du haut bord de Marne. Ouais, c'est ça. Du haut bord de Marne, qu'on écoutera tout à l'heure, parce que bien entendu que les auditeurs ont peut-être envie de savoir qui sont les différents artistes qui ne connaissent pas. Donc si on arrive, si on a le temps, on a un morceau de chaque à passer. Il y en a 7 au total qui vont passer pendant ces 2 jours. Et tu as parlé d'ouverture des portes, enfin on a parlé d'horaire d'ouverture. Je pense que s'il y a quelque chose, une question qui est importante à aborder, c'est le tarif d'entrée qui est exorbitant, car il est de 0 euros. Clair. C'est clair. Mais ouais. Comment ça se fait? Surtout ne venez pas avec vos familles, ça vous coûtera vraiment trop cher. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, je fais juste une petite aparté, c'est que ben justement, ceux qui viennent déjà depuis quelques années, emmenez aussi vos familles, vos amis, faire-leur connaître, parce que c'est comme tu disais, parce que tout à l'heure, c'est en fait certains, bon, peut-être on a toujours des a priori sur des choses, hein, comme on a tous sur. Faire tomber ces petits a priori parfois, se dire bah tiens, je connais pas, j'ai envie de découvrir. Et en fait, à chaque fois, c'est vrai, tous ceux que j'ai pu voir, ceux qui sont venus sont revenus, ils ont aimé, pour l'ambiance, pour la simplicité, la douceur de vivre, la folie douce aussi parfois, et puis la simplicité, et puis le, oui, donc voilà, plutôt zen, hein. Ah, c'est tout, on va pas en mettre des caisses, c'est super, mais voilà. Oui, mais je pense que. Faut dire quand même. Oui, non, vas-y, je t'écoute, Pascaline. Qu'est-ce que je veux. Alors, bah, tu disais qu'il faut dire quand même. C'est le meilleur festival du monde, c'est ça que tu voulais dire. Et familial, que ce soit au sein de l'organisation que du public. Exactement. Ça, ouais, d'ailleurs, enfants, en termes de bénévoles. Tout, donc, c'est vrai que c'est. C'est vraiment. Et puis, puis le bénévolat se fait par, oui, des amis, tiens, ils viennent filer un coup de main. C'est vrai que maintenant, le bénévolat, ça se passe comme ça aussi. C'est ça. À tête ou c'est que, voilà, ils viennent, on vient entre amis filer un coup de main. Donc, et voilà. Puis, même si oui, il y a les fidèles en association, en producteur, même si. Il y a quand même un noyau qui reste, ouais, mais à chaque fois, il y a quand même une nouveauté, enfin quelque chose qui peut peut-être vous interpeller et du coup, vous donner envie de voir encore plus. Et les artistes ne sont jamais les mêmes. C'est ça. Et tous des locaux. Hein. Ouais, à part l'année dernière, où là, c'était les 10 ans. Du coup, là, c'était vraiment les groupes qui étaient passés dans les 10 dernières années. Donc là, c'était un petit peu... exceptionnel. Voilà. Oui, en effet, comme vous avez parlé de différents groupes, groupes locaux, Letty, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le groupe Bord de Marne, vu qu'on en a parlé il y a quelques secondes? Alors là, par contre, moi, je suis un petit peu moins... alors Manu n'est pas là pour en parler, je pense que c'était un peu plus lui qui avait un peu géré, je suis désolée du Bord de Marne. Je sais peut-être ceux qui sont de plus loin. Je crois que c'est passé. Je sais qu'ils avaient joué au théâtre de la Miroiterie à Miremont il y a quelque temps. Et ils reviennent de temps en temps. Ils ont déjà rejoué. Et je crois tout que alors, d'ici. Quand on parle de locaux, pour le coup, je crois qu'ils viennent d'un peu plus loin. Enfin, c'est le Grand Est, hein, mais d'ailleurs, de la Marne, enfin, bord de Marne. Je crois que ça doit donner le nom du groupe rapport, donner l'indication de où il se trouve géographiquement parlant. Et c'est du, enfin, accordéon, c'est un duo accordéon, guitare sèche. C'est, oui. Et c'est plutôt sympathique, c'est dans l'esprit, je crois, que celui de, que vous prenez, quoi, l'ouverture, et puis être ensemble, passer un bon moment. Ça va bien le dimanche, je trouve, c'est le moment vraiment. Oui, en plus, ça, c'est oui. une musique qui va être, on va dire, du coup, festive, ambiance familiale, quelque chose dans lequel on va avoir. Ça va créer une bonne ambiance, donc c'est aussi le but, c'est de ne pas. Voilà. Il n'aurait pas clôturé la soirée, comme moi, ou comme... on va dire, oui, c'était un peu ça l'idée, quoi. Je ne sais plus à quelle heure. Oui, parce qu'on a encore quand même un petit peu d'énergie le dimanche. Oui. Et puis, à la limite, c'est là où on peut peut-être écouter aussi un peu de... Enfin, voilà, peut-être en profiter aussi. Et puis, les derniers festivaliers veulent... Enfin, c'est sympa. Généralement, on a le beau temps. Donc, les gens ne sont pas trop pressés, les festivaliers ne sont pas trop pressés de quitter le dimanche. Hein, c'est vrai, hein. Non, ça va. Faire encore bon. Il y en a même qui restent, qui ne veulent plus partir. <C'est ça. rire> Et le Festi La Vida, c'est où à Raon-en-Bois, précisément? Ah, là, c'est au centre même de Raon-en-Bois. La salle polyvalente, la salle des fêtes. Exactement. C'est ça, ouais. Ouais. Une partie extérieure et puis une partie intérieure. Juste derrière la mairie, en fait. C'est pour ça, du coup, bon, bien sûr, vaut mieux qu'il y ait beau temps, mais au moins, vous avez cette possibilité de repli. C'est ça, oui. C'est vrai. Non, et puis il faudrait pas que, pour le samedi soir, faudrait pas qu'on soit sous la pluie avec les groupes et tout. Bon, on y arriverait, hein, mais ce serait peut-être un peu plus compliqué quand même. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est vrai. Et puis on est comme ça, on a une solution de repli. C'est bien. Oui. Oui. Une et puis trouver des structures aussi, ça coûte cher. C'est ça. Donc on peut pas non plus voilà, s'il faut qu'on loue quelque chose et puis qu'on se dise à la fin voilà, on est juste, et même on peut être dans les choux, je pense, si on louait des chapiteaux, les scènes et tout ça. C'est vrai que niveau budget, c'est quand même bien pratique d'avoir la salle des fêtes. Mais bon, jusque-là, vous arrivez quand même à vous dépatouiller, hein, en 11 ans d'existence, avec l'entrée, je rappelle, tout à fait gratuite. Vous réussissez à proposer différentes choses et différents groupes à passer. Parmi eux, il y a le duo Bord de Marne. Et j'ai envie de vous faire découvrir leur morceau, La Javava, qu'on s'écoute. Et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous pouvez réagir à l'émission en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Gémozo et en nous appelant au 03 29 62 40 40. Voilà, j'ai repris le fil. Vous avez écouté à l'instant le morceau La Javava de duo Bord de Marne, toujours pour le Festi La Vida du 29 au 30 septembre à Raon-au-Bois, au centre de Raon-au-Bois. Et je suis toujours avec Mika, Letty, Pascaline et Camille en studio. Et tant que j'y pense, hein, on a parlé quand même beaucoup musique, même s'il y en a encore d'autres, d'autres à passer. Mais j'y pense, il y a quand même quelque chose aussi qu'il est important de souligner, c'est qu'il n'y aura pas que de la musique, il y aura déjà un village par l'association Gassi, c'est ça ? C'est ça. Et d'autres choses. Alors on peut peut-être d'abord parler du village associatif Gassi, Pascaline ? Alors Gassi est invité justement pour le festival à nous. En fait, ça va être centré, je pense, sur les produits locaux quand même, ouais, en majorité. Ouais. Et puis, ben, forcément, expliquer le rôle de Gassi, de expliquer ce que font à Gassi. Je pense que ça va être aussi la base du village. Et puis oui, surtout nous faire connaître des produits locaux dont ils font la vente au magasin Armiremont, du coup. Donc ça c'est pour le village associatif Gassi, mais il y en a d'autres, hein. Je disais, j'ai quand même une liste assez importante, donc j'ai parmi eux, il y a l'association etc, je crois, la LGBT, les luthiers d'Épinal, je disais, il y a Vosges Alternatives au nucléaire, Zertignan Transition, la ludothèque de Remiremont, enfin il y en a plein. Est-ce qu'il y a un certain fil conducteur ? Est-ce que c'est plus sur le local ? Est-ce que je vois qu'il y a quand même un certain axe sur l'environnement ? J'imagine que c'est peut-être important pour le Festi La Vida, l'environnement. Ah bah oui, oui, parce que c'était à la base un peu un éco-festival aussi. Enfin, en tout cas, même si la mention, elle est un petit peu... elle s'est un peu noyée dans la masse pour pas non plus être qualifiée, on va dire, estampillée festival écolo. Ça peut peut-être rien dire pour certains, et en tout cas avec une résonance liée au respect de l'environnement, des valeurs communes et aussi locales, quoi. Donc là, tous les exposants et les associations qui sont présentes sont vosgiennes, on va dire. Donc oui. On est toutes fières de le dire. Il y a des artistes aussi, voilà. Il y a des artistes, là il y aura un coiffeur végétal, la peinture sur le corps aussi avec, on ne sait pas encore. Ah oui. Par contre, toi Pascaline, si tu as envie de venir habiller body painting, tu peux, hein. Ah bah tiens, ça va être une nouvelle à la maison. On n'a pas trop le temps de... Oui, voilà. Quand on parlait de Lou, disait qu'il y aurait notamment la ludothèque de Remiremont. Est-ce qu'ils vont emmener des jeux? Oui. C'est prévu. Ouais. Oui. Jeux en bois, jeux de construction. Des jeux géants. Jeux de... Ah, parce qu'ils ont ça en magasin, des jeux immenses. Je me rappelle notamment d'un puissance 4, mais il y en a d'autres. Oui, bah écoute, là, ils sont libres d'amener ce qu'ils ont envie. Hein. On leur met un emplacement assez grand pour que tout le monde puisse jouer. Et puis après, ils sont libres, ils amènent ce qu'ils veulent, peu importe. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu tout. Et des fois, on n'a pas... Voilà, il y a des associations, on sait qu'elles sont là. C'est vrai qu'on regarde peut-être pas forcément dans le détail quels jeux sont là, mais en tout cas il y en a pour tout le monde. Généralement ça plaît beaucoup. Ça c'est assez fédérateur quand même, les jeux société, c'est jeux. Super côté sympa. Familial, là, on peut laisser les enfants, il n'y a aucun souci, ils y passent des heures. Les enfants et les adultes, hein, parce que ça joue aussi à plusieurs. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, c'est un petit coin du festival qui est assez sympathique le dimanche. C'est vrai que très sympa. Et ce qui est sympathique aussi dans ce que tu dis là, Pascaline, c'est que vous faites venir des associations, mais vous ne les bridez pas, vous leur laissez carte blanche. Ah oui. Le fait est que, on leur laisse... on leur laisse la possibilité de s'exprimer, de faire des choses, de montrer leur savoir-faire aussi, et de transmettre à un moment quelque chose. Alors soit une façon de faire, soit voilà, de la manipulation, soit voilà, une question à se poser, enfin, et puis un petit souvenir, quoi. Les enfants, soit ils ont construit quelque chose, les adultes repartent avec peut-être un petit truc à manger, ou alors un petit bijou. Voilà, oui, voilà. Un petit, oui, parce qu'il y a de l'artisanat. Hein, aussi. Oui, il y a de l'artisanat aussi. Donc, hein, ouais. Et les associations locales aussi, Raon Bonheur, enfin les associations de Raon aussi qui sont présentes. Et je crois qu'ils vont faire leur jus de fruits en même temps. Je ne suis pas sûre, hein. Ça c'est une info à confirmer. Je ne suis pas sûre, apparemment ils feraient leur jus de pomme pour le... En fait ils font toujours une initiative, ils vendent du jus de pomme pour le Téléthon. Et apparemment ils seraient présents sur le festival pour faire le... Donc vous n'avez plus le choix, vous serez obligé de faire du jus de pomme là, ouais, cette année. Là c'est mort, de toute façon. L'info est passée. Je ne suis pas sûre, mais je crois bien. Non, Emilie, elle n'en a pas parlé, François. En tout cas, voilà. Je ne me rappelle plus. C'est bien parce qu'Aline, elle annonce tout ce qu'il n'y a pas. Donc body painting et jus de fruits, donc c'est toi qui feras tout ça. Hein, vu que tu l'as annoncé, c'est pas sûr. Je remercie, Mika, ton soutien. C'est génial. Bon, on sait ce que Pascaline va faire pendant le week-end, mais il y a Letty aussi qui va faire autre chose, vu que Letty va chanter. Et d'ailleurs, avant d'en parler, c'est quand même bien aussi de savoir dans quoi tu œuvres, quel domaine musical. On va s'écouter un morceau de toi qui s'appelle He's Unchained. Je le prononce bien ? C'est pas mal. Bon, bah écoute, He's Unchained. On s'écoute He's Unchained et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. He's Unchained. He still cannot stop it. He's unchained. He's like a crazy horse, once in blue. I lost myself and began to pray, not to pray for God or anyone else. You want this long in a city, looking for a company. He's on something might happen to him, something special. Just a bear in front of you. Only you do not see anything. Only you do not see anything. Yeah, he's unchained. He still cannot stop it. He's unchained. He's like a crazy horse. To him to find this way. What are you doing? Are you breaking your chains? He's unchained. He still can't stop it. He's unchained. He's like a crazy horse, once and for all. I lost myself. I began to pray. Pray for God or anyone else. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I will do no anything to open his eyes, 'cause the path seems clear. It's up to him. Can't stop it, easy. his own chain. He's like a crazy horse, one single. I lost myself, I began to pray, not to pray for God or anyone else. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous venez à l'instant d'écouter le morceau He's Unchained de Mlle Letty, qui d'ailleurs est présente dans nos studios, vu que tu fais à la fois partie de la programmation musicale et partie de l'association Tatou La Vida. Bon, bah, Letty, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Ça a l'air d'être de chansons acoustiques, c'est ça ce que tu fais ou... Oui. Oui. Oui. Bah en fait, jusqu'à présent, j'étais principalement dans la reprise, dans un répertoire plutôt soul, rhythm and blues. Et voilà, ça me trottait dans la tête d'écrire et de faire mes propres chansons. Oui. Voilà. Donc, je me suis lancée, ça fait quelques années, là, et puis vraiment intensément depuis un an et demi. Voilà, à créer un répertoire de compos. Donc là, c'est vrai que le morceau que vient de passer, c'est un morceau en anglais, mais aujourd'hui, c'est vrai que je tombe de plus en plus vers la chanson en français, mais avec une connotation, voilà, pop, soul. Et la petite nouveauté qu'il y en aura en plus pour. Enfin, la petite nouveauté. La rentrée se fait en plus à trois, parce que pour présenter un petit peu. Je suis accompagnée, aidée et soutenue par Mathieu Battu à la guitare, hein, donc pour certains le connaissent déjà, hein, il a un projet aussi à lui qui s'appelle Matt is the Ground Man, donc voilà, je parle de lui, normal, donc voilà, qui m'accompagne depuis un an en tout cas dans le travail de préparation. Et puis ben, tout récemment, Rémi Claude nous rejoint à la contrebasse. Donc du coup, ça va donner beaucoup plus d'auteur à tout ça, et c'est une chouette combinaison, et je suis très contente en tout cas de ce petit trio qui est en train de se former. Et surtout, ben, c'est vrai qu'on a pour le moment, là à la rentrée, dans 15 jours, je tourne un clip sur Épinal principalement, qui sera un peu Made in Vosges aussi, avec l'aide d'un vidéaste parisien qui a voulu me que j'ai rencontré, je ne vais pas détailler, on n'est pas là pour ça, en tout cas qui me donne un coup de pouce pour qu'on ait un support de qualité. Et l'objectif, c'est un EP déjà, un 5 titres, en tout cas pour l'année prochaine, on va dire, hein, oui. Ça serait pas mal. Ah bah on a hâte de découvrir la suite. Mais pour les auditeurs qui ont peut-être envie de t'écouter, tu passeras samedi ou dimanche? Eh ben en fait, je serai donc il y aura KPG en tremplin. Alors je sais pas les horaires généralement, quoi, c'est 17h30. Oui, à peu près ça, oui. 17h30, et nous vraisemblablement ça sera dans les autres 19h. Alors quand t'es un petit peu de décalage, il y a toujours l'horaire précise. Peut-être pas tant que ça, une demi-heure près peut-être, mais pas plus, je pense pas. Non. Comment? Pas plus d'une demi-heure de retard, s'il y a un retard sur... Oui, c'est ça. C'est si ce n'est pas 19h, ce sera 19h30. Mais après, ouais, non, on a quand même un timing, on va dire... Manu, il doit fumer derrière, si. Oui, Manu, 19h, ok. Ou 18h42. Voilà, là, on ne parle pas d'horaire. C'est super. Non, je pense que c'est... Moi, pour moi, c'est plutôt ça, 19h, 20h30. Mais moi, je connais quand même plus d'endroits. Il y en a, bien sûr, où on commence à l'heure. Oui, il faut le temps que ça se mette en place quand même. Voilà. Mlle Letty, on peut suivre ton actualité via Facebook? Oui, c'est ça. En tout cas, pour le moment, c'est le seul vecteur. Par la suite, il y aura peut-être un site internet. C'est vrai qu'il y a des référencements qui nous demandent ça, mais pour le moment, c'est Facebook et Instagram aussi. Mais bon, on est reliés sur les deux, donc voilà. Et ouvrez la parenthèse, tu donnes des cours de chant, point d'interrogation, ah oui, fermez la parenthèse. Ah oui. Oui, alors c'est la rentrée en plus, donc là le 9 septembre, je suis à l'école, la Spina Jam à Épinal, située à côté de la gare, et on fait un forum des associations culturelles autres pendant 3 jours, hein, le week-end prochain, comme un peu partout, donc je serai là, donc je donne des cours. Et je serais ravie de vous accueillir. Et ce sera aussi pendant le festival Festival La Vida l'occasion de te rencontrer, de rencontrer les autres artistes, de carrément discuter avec eux et de découvrir leur univers. S'il y a d'autres artistes à qui j'ai envie de découvrir l'univers, c'est bien Ladislava. On va s'écouter Ladislava et après peut-être parler des partenaires. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à lire les notes parce que mon cahier est un petit peu gros. Donc voilà, on s'écoute Ladislava et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. De retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez écouté à l'instant Ladislava, c'était le morceau Tate's Freelash, si je ne me trompe pas. Mika, tu as dit que tu avais quelque chose à dire sur ce oui, groupe. Oui, puisque je les ai vus en concert, c'était une jolie découverte. Vous, peut-être, vous qui nous oui, écoutez, non, vous les avez peut-être vus, ils étaient cet été sur la place de l'Hôtel de Ville à Remiremont pour le festival Un Air d'été, et c'est, quand je parlais de découverte, ça permet aussi d'apprendre l'histoire de la musique tzigane. Oui, parce que entre les chansons, il raconte la naissance et puis comment s'est développée cette musique. Ladislava, c'est un duo. Donc voilà, ça c'est pour Ladislava qu'on découvrira au Festival La Vida qui a lieu le 29-30 septembre 2018 à Rouen-au-Bois. Ladislava, samedi, dimanche Pour moi, c'est le dimanche. Ok. Et comme je l'avais dit avant la pause musicale, ce serait peut-être le moment de parler des partenaires parce que vous êtes une association, il n'y a pas de tarif d'entrée. Donc forcément, il y a peut-être pour certaines choses besoin de soutien. Je ne sais pas qui de Letty ou de Pascaline se sent peut-être de parler des partenaires parce que c'est important aussi de mettre en avant les différentes structures qui vous soutiennent. Pascaline, Letty ? Oh, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je... Allez, Letty. Oui, les deux. Ouais, je pense. Voilà. Je commence une phrase, elle la termine. On fait comme ça. Je ne sais pas si on va y arriver. Hein. Mais toi, t'es assez bonne pour commencer, mais tu ne termines pas, c'est ça ? Je termine. Commence. Donc, alors, les partenaires, tout ce qui est mécénat, Ça c'est une partie assez compliquée aussi, parce que du coup faut quand même pouvoir frapper aux portes. Mm-hmm. Donc il y a quand même des gens qui nous donnent de l'argent, qui nous soutiennent avec de l'argent. Ce qui est le top aussi, c'est d'avoir une aide logistique aussi. Ça c'est pas mal aussi, ça complète bien. Et du coup, ils sont représentés sur la fiche avec un petit logo. Il faut une certaine somme, c'est vrai qu'on avait dit, mais bon. Et autrement, le reste des partenaires ou des choses comme ça, il y a un grand panneau sur le site, le week-end du festival, où vous pouvez voir vraiment tous nos partenaires dans la totalité. Quand il y a des petites aides, voilà, on prend le logo et puis on le met et puis on l'affiche à un moment. Enfin, on fait de la... On montre quand même qu'on a besoin d'aide et qui nous a aidés. Et puis autrement, il y a toutes les instances aussi, enfin les instances. Il y a le conseil général. Donc là, il faut monter un dossier financier. Là, c'est un peu plus administratif, hein, du coup. Même si peut-être ils font attention quand même au profil des associations qui soutiennent. Hein. Je pense que il n'y a pas que le dossier. Je pense aussi la personne qui porte le projet, comme Pierrot le fait souvent d'ailleurs. Oui. Hein. Oui. Et du coup ça fonctionne. Ils nous soutiennent aussi financièrement. Donc Et cette année encore. Donc c'est pas oui tous les ans. Pour nous. C'est un vrai soutien, vraiment. C'est un peu une, on va dire, une condition, pas une condition de sine qua non, mais c'est vraiment primordial d'avoir quand même des subventions diverses, et notamment le mécénat, oui, comme on disait, on peut en citer quelques-uns, parce que c'est vrai qu'est-ce qu'on a comme mécène. On va peut-être les oublier, nous en voulait pas, hein, on ne se rappelle pas tous. Le fait est que les mécènes, en fait, donnent de l'argent sans forcément se dire à un moment je vais peut-être avoir une retombée quelconque. Enfin, je sais pas, je pense que l'important pour eux, c'est de participer, c'est de nous filer un coup de main. Et du coup, pour la plupart, c'est vraiment un geste complètement altruiste. Mmh. Hein, ouais, désintéressé, ouais, quoi. Ouais, finalement, je pense. Donc on leur rend l'appareil quand même en affichant quand même le logo à un moment ou un autre, ou en en parlant, mais c'est vrai que... On peut peut-être en citer quelques-uns, ouais, comme ça. Si tu peux le faire. J'en ai quelques-uns. Pardonnez-moi pour ceux qu'on oublie, hein, parce qu'on n'a pas tout devant les yeux, mais c'est vrai qu'on a Hans Coffrage à Bussan, Couval à Rupes-sur-Moselle, Passivaume, Fibex à Épinal, j'en passe. Et puis un petit détail, Pierrot travaille dans les maisons passives. C'est pour... Oui, donc on va peut-être pas trop en parler. On voit le genre de mécène qu'on arrive à avoir. Merci les copains. On a Biomonde, on a Indoor Garden aussi à Épinal, et puis les aides matérielles de la mairie de Raon, aussi, les associations locales. La location de la salle. La mairie de Bellefontaine. Mairie de Bellefontaine. Les jardins en terrasse. Et puis ben, aussi un grand merci aussi au financeur public, hein, qui est le conseil départemental, qui nous a donné une jolie enveloppe cette année. Et c'est vraiment, ça veut dire que ben, qui croit quand même que ce festival ben, voilà, est une bonne raison de se décarcasser un petit peu. Et puis ben, c'est plutôt chouette, donc on peut les remercier, voilà. En effet. Elles sont comme monter le dossier aussi, quoi. Oui. On remercie toutes ces personnes pour l'aide financière, mais il y a l'aide financière d'un côté, l'aide humaine de l'autre. Je pense qu'on va parler de l'aide humaine à la toute fin, ou quoique, non, on en parle tout de suite, et puis après, pause musicale et, dernières informations. Donc oui, au niveau de l'aide humaine, il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour du Festi La Vida. Pascaline ? Oui, on a une quarantaine, hein, je crois. Oui, je dirais une quarantaine. Mmh. Hein. Et dans celui-ci, il y a un super illustrateur, puisque une des marques de fabrique de votre festival, ce sont les visuels, les affiches chaque année qui nous éblouissent, il faut bien le dire. Et c'est un clin d'œil à Max Vallon. C'est ça. Qui a fait cette affiche. Alors, on peut retrouver, bah, vous la verrez, vous l'avez déjà vu. Comme l'année dernière, pour les 10 ans du Festi La Vida, le cerf qui trône en bonne place. L'année dernière, il était seul. Là, il y a plein de personnages qui sont avec lui. Oui, c'est ça. Dont le sapin. dont le sapin. Elle claque, hein. Ouais, ça c'est clair. Au sommet. Donc c'est une collaboration de Max Vallon et de Smooth, qui donc tous les deux font partie d'une association de alias Balek, hein, c'est ça. Ouais, Balek, voilà, c'est ça. Donc vous l'avez peut-être entendu l'année dernière. Il expliquait son travail, tout ça. Et du coup, il nous a fait aussi le visuel des gobelets, puisque systématiquement, on, tous les ans aussi, le visuel des gobelets change. Et puis, puis voilà, on essaye de... Pareil, ben Max, c'est un gars du coin, doué, voilà, qui aime, donc il aime prendre du temps aussi pour l'association, et il prend du temps pour l'association aussi pour nous faire les visuels, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, toute cette aide financière et humaine est précieuse pour la réalisation de ce festival qui en arrive à sa 11e édition pour les 29 et 30 septembre 2018 à Raon-au-Bois. Et on aura écouté presque tout le monde. S'il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'on écoute, et ce sera le point d'orgue de cette émission, c'est Azmalik and Blue Tribe pour leur morceau de Tribe. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups pour la conclusion de cette émission. Donc c'est peut-être le moment de donner les dernières informations. Donc prix d'entrée Mika. Zéro. 0 euro. Oui. Festival Vida, à Hombois. Venez les poches vides. Peut-être horaire d'ouverture, ce serait bien de connaître du festival. Donc, du coup, on a dit 16h, 12h du matin pour le samedi et 10h, 18h pour le dimanche. Samedi et dimanche 29 et 30 septembre 2018 à Raoumbo, au centre de, au centre du village, comme on le disait. Qu'est-ce qu'on a rappelez vite fait sur la nourriture, donc il y a pour tous les régimes alimentaires techniquement. Oui, c'est ça. Principalement aussi du local, du bio. Et on fait aussi travailler les artisans de Raoumbois, le boucher et le boulanger, mais c'est 99% de local en tout cas, et oui. Du bio. Et là, du coup, la popote de Pounette, c'est dans le même esprit, hein, donc on continue. Et puis... Et ce qui est incroyable, c'est que Letty, elle est venue avec son prompteur aujourd'hui dans le studio de Radio Gémozo. Qu'est-ce que tu avais à lire? C'est clair, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de courir les copains. Non, Pierrot, on n'aura pas le temps de raconter tout ce que tu me dis par message. Ce c'est le pas président possible. De l'association, t'as tout la vida. C'est ça, oui. Il nous écoute et en fait, il c'est nous clair. Voilà, il est en train de râler, il dit qu'est-ce que vous dites, vous dites des bêtises. Et quand je parlais de prompteur, là, il t'écrit ce qu'il Et là, il va me gronder, hein, il va pas être content. On avait encore une info, oui, sur la bière, en fait. Oui, c'était ça, voilà. C'était le... Donc, tout ce qui est nourriture, donc ça, on en a parlé. Par contre, au niveau de la boisson, donc là, la bière qui sera proposée, une des bières qui sera proposée, est faite par... Enfin, on a fait une journée de brassage avec la Golaï de Xertini. Donc ils nous ont appris comment faire de la bière et puis du coup on a fait notre bière pour le festival. Alors, il y a un problème, c'est que on n'arrive pas à décider c'est clair. Sur le nom. Alors, si vous avez quelque chose à proposer, allez-y. Je plaisante, il y a eu plein de choses. Moi aussi, vas-y, j'ai envie de pouvoir. Il y a des bonnes idées, mais on n'arrive pas. On a tout, mais bon, il y a quand même des choses dans le placard. Enfin voilà, des bonnes idées quand même. C'est ça. Voilà. Mais ça serait bien qu'elle rappelle le nom au moins de l'association ou du festival, oui, en tout cas. Ça, tu vois, il fallait l'inviter. Fallait qu'on l'invite, en fait, c'était ça. Hein, parce que là, t'aurais tranché. Ah non, mais appelez-la. C'est ou Tatou ou la Vida. Ça, des fois, on tranche et puis après. C'est ça. Ah, vas-y, on vient d'en échanger. On aime bien. Ah, on aime bien ça. Non, en tout cas, ce que les auditeurs. Oh, pardon, excuse-moi, mais il y a un autre truc aussi. Il faut forcément qu'on en parle. En fait, il y a la bière de Les Aides du Bois Joli de Saint-Nabord et aussi la bière de la Golaï. Qui sera proposé pendant le festival. Donc un petit peu tout pour tout le monde, hein, et même la musique, vu qu'il y en a comme de tout, il y a Capige, il y a Mamzelle Capige, excuse-moi, Mamzelle Letty qui est toujours avec nous en studio, Infréquençable, Azmalik and Blue Tribe, Duo Bord de Marne, Bouclette qu'on écoutera juste après le générique, et enfin Latislava, comme ça on a présenté un petit peu tout le monde. Bouclette que j'ai déjà présenté dans de précédentes émissions, qui est déjà passée chez Mika. Parfait. Donc je pense que pour ceux qui suivent, on peut peut-être switcher la présentation de Bouclette. Oui, je t'écoute Letty. On va faire juste une petite info par rapport au son. Parce qu'on a un ingé son qui s'appelle Frédéric Badreau, en fait. Donc c'est lui qui va nous s'occuper du son cette année. Et puis on lui fait un petit coup de pouce, puisqu'il a créé son entreprise, hein, qui s'appelle Audiophile Studio, j'espère que je ne dis pas de bêtises, à Raoumbois. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance. Et voilà, donc c'est lui qui gère ça. Petite info de dernière minute, et qui est aussi bénévole, voilà. Qui a un déchevelu aussi de cette. Il donne des cours de batterie. Et en plus, il donne des cours de batterie. À la Fontaine. Donc voilà, c'est ça. Ou à domicile, vous habitez au fin fond de Xonglongemer. Oui, il y va. Bien. Non. Non, là je déconne. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on peut voir, hein, du Festival à Vida. Je pense qu'on a ouvert une petite porte sur le festival pour montrer aux auditeurs à quel point c'est un festival familial, ouvert, très convivial. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Un moment vraiment dans la bonne humeur pour le 29 et 30 septembre 2018. Et malheureusement, j'aimerais bien passer plus de temps avec vous, mais horaire oblige que j'ai déjà bien dépassé. Ce sera déjà le moment de se dire au revoir. Et avant de se dire au revoir, c'est l'heure de la programmation comme d'habitude. Et donc j'en étais, oui, donc la prochaine émission c'est à 20h, la parole est à vous avec Michel, suivi à 22h de J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique, et on se retrouvera demain matin 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin pour la rediffusion, elle sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sinon sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordi, smartphone, peu importe le système d'exploitation, tout fonctionne. Et on se retrouvera demain matin de 18h à 19h pour faire un point sur les fouilles archéologiques du Saint-Mont que Mika a reçu il y a environ 2 ans, donc ce serait peut-être bien qu'on fasse un petit point pour savoir où ils en sont. Voilà, ça c'est la programmation. Je peux respirer un coup. Mais dans tous les cas, merci beaucoup Pascaline, Camille pour ta présence, Letty et Mika pour votre présence, votre temps et d'avoir mis l'ambiance. Merci à toi. Merci. Merci Guémozo, c'est toujours un très bon moment. Ouais, c'est clair. Et puis c'est toujours sympa de relayer aussi les infos comme ça. Ah oui, super. C'est vraiment avec plaisir. En tout cas, je suis certaine que les auditeurs aussi ont passé un bon moment, mais ce sera déjà l'heure de les laisser vu que c'est l'heure. C'est gratuit en plus, hein, ils ont bien payé. Alors... Bon bah écoutez, ça va. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va écouter. Merci à toi aussi. Bonne soirée à bientôt. Au revoir Mika. Au revoir. Au revoir Mika. Au revoir. Et on retrouvera juste après le générique bouclette, comme ça vous aurez tout écouté. Et on se retrouve demain même heure sur Radio Guémozo. Bonne soirée à tous.